Pourquoi dit-on île merveilleuse, île pacifique, île rouge, île de la désolation, île du soleil, île perdue, île verte, île rousse, île inaccessible, île d'exil, île orpheline, île fantastique, île blanche, île blanche, île mystérieuse, île sauvage, île vague, île lointaine. île des morts, île des noyés,